Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Clapas 93.5. C'est une émission spéciale, je dirais même très spéciale, voire exceptionnelle, que nous vous confions aujourd'hui. Voilà. C'est le cadeau de Noël que nous voulons faire à nos auditeurs et à nos auditrices. En effet, aujourd'hui, à Radio Clapas, nous accueillons un musicien percussionniste, je crois même multi-instrumentiste, on peut se permettre de dire ça, n'est-ce pas Tony ? C'est Tony Savanna. Alors Tony Savanna, c'est un musicien qui accompagne depuis quelque temps les amis du grain des mots quand ils vont de ci de là se livrer à leur vice légal, à savoir la lecture. Et Tony illustre musicalement les lectures que nous faisons. Voilà. Aujourd'hui, nous avons demandé à Tony s'il voulait bien d'abord venir, ce qu'il a accepté bien volontiers. Et puis, le prétexte de cette émission, n'oublions pas que c'est une émission d'abord littéraire, eh bien, la commande, si je puis dire, c'est voilà, écoute Tony, quels sont les quelques livres qui ont compté pour toi et qui comptent vraisemblablement encore pour toi ? Eh bien, nous allons en parler ensemble et nous allons tout d'abord écouter de la musique. Bonjour. Bonjour Tony. Tony Savanna, donc en direct sur un instrument dont tu vas sans doute nous dire un petit peu plus. On a entendu une percussion quand on est profane, mais c'est plus que cela. Et ça va avoir rapport, j'imagine, avec les livres dont nous allons parler par la suite. Alors cet instrument, tu as envie d'en dire quelques mots peut-être déjà de... C'est un instrument très simple, un instrument qui existe depuis les temps des temps dans tous les pays. Bonjour aux auditeurs, Tony Savanna. Oui, c'est le tam-tam, le tambour, l'instrument parmi les premiers, puisqu'il y a d'abord le cor. Mais ça a une particularité, ça a sa particularité dans chacune des parties du monde. On le joue de différentes manières. Il peut y avoir à la même manière avec des accents différents. Et puis, il y a aussi le sens qui peut être différent. Moi, je suis de la Caraïbe. C'est un lieu où a existé l'esclavage et où les tambours furent interdits. Donc ont été construits à la va-vite, avec les éléments qu'il y avait sous la main. Et ces tambours ont une signification particulière, puisqu'ils sont nés de la résistance, du désir d'exorciser des choses. Et puis, cet évident appel à la mère Afrique, au secours. Donc ce sont les tambours, les tam-tams, l'esprit des tam-tams, parce que de nos jours, les formes peuvent changer. Il y a certains pays où c'est nécessaire de garder la forme originelle afin d'obtenir le son originel. Et puis, il y a aussi l'esprit des tam-tams, ce qui fait de moi un percussionniste, c'est l'esprit des tam-tams. Ce qui fait de toi effectivement un percussionniste, pour avoir, comme je le disais tout à l'heure, nous être livrés, t'avoir entendu à l'occasion de nos lectures, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous, puisque tu es venu chaque fois rythmer ce que nous faisions. Alors, notre première rencontre, c'est pas neutre, je crois qu'il faut, l'évoquer, c'était à l'occasion du festival de jazz à Junas. Hein? Mmh. Tu étais venu nous accompagner. Alors nous avions des prétentions un peu folles, puisque les uns et les autres, nous ne sommes pas du tout des professionnels de la lecture. Hein? Nous lisons, mais quant à lire en public, c'est parfois une autre affaire. Et ce qui nous avait beaucoup plu dans ta façon d'être avec nous, c'est que tu avais très rapidement et très finement saisi, je dirais ça comme ça, l'essence des textes que nous prétendions lire en public. Et tu avais trouvé chaque fois des musiques qui s'accordaient, qui étaient en harmonie, c'est le cas de le dire, hein, qui étaient en harmonie avec ce que nous essayions de faire. Voilà. Donc, première rencontre sous les auspices quand même de la musique, puisque Festival de Junas, puisque voilà. Oui, puisqu'il s'est avéré que les textes étaient en majeure partie d'écrivains caribéens. Caribéens, oui. Et avaient chez moi, évidemment, une résonance tout à fait naturelle, tout à fait normale. Donc, voilà, je me suis accordé au texte assez aisément. Tu veux dire que tu n'as pas trop souffert, tu as trop... je me suis accordé au texte aisément. Alors, après ? Après, nous allons entrer, si je puis dire, dans le vif du sujet, puisque nous t'avions proposé donc de venir à Radio Clapas pour nous parler, entre autres choses, pas uniquement, nous verrons ça au fil de la discussion, pour nous parler des livres qui ont compté pour toi, les 3-4 livres qui ont compté pour toi et qui, on l'imagine aisément, comptent encore pour toi. Alors, tu nous as proposé, je donne ça peut-être un peu dans le désordre, mais tu nous as proposé Aimé Césaire, hein, le cahier d'un retour au pays natal. Je veux dire, c'est devenu un grand classique de la littérature poétique, puisque c'est... Ce texte est un long et vaste poème. Hein. Tu nous as aussi proposé Frantz Fanon. Alors Frantz Fanon, nous en parlerons aussi. Et là, il faudra en dire quelques mots. Tu nous diras qui est Frantz Fanon, comment tu as approché cette lecture, qui est quand même pas une lecture neutre, hein, pas du tout. Frantz Fanon était un militant de l'anticolonialisme. Voilà. Marc, je crois que tu as sous le coude un gros livre. Un gros livre, oui, qui a été un best-seller aux États-Unis, Alexa Haley, oui. Roots, Racine, voilà. Hein, qui est un Américain qui part, un Noir Américain qui part à la recherche de ses origines africaines. Et puis, un certain Patrick Chamoiseau, plus particulièrement la chronique des 7 misères. Et là, nous aurons évidemment quelques questions à te poser. Et je me permets peut-être de rajouter, hein, en annexe, mais presque pas, un autre livre de Patrick Chamoiseau, dont le titre est tout à fait explicite, c'est « Écrire en pays dominé ». Voilà. Donc nous allons naviguer entre musique, écriture, si tu veux bien. Voilà, quel est le premier livre que tu aimerais évoquer ici avec nous ? Alors, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Esclaves et planteurs, écrit par Michel Fabre. Voilà. Ce livre m'a marqué particulièrement parce que j'ai toujours aimé lire. Et chez moi, à Fort-de-France, il y a une très belle bibliothèque. J'aimais bien m'y vautrer, me délecter de tous ces joyaux, parce que ce sont vraiment des joyaux, les livres. Et lors de premières années d'études, j'ai eu à avoir analysé le livre de Michel Fabre qui s'appelle « Esclaves et planteurs ». Et c'est dans ce livre, pour la première fois, à un âge avancé de ma vie, que j'avais vu la coupe d'une cale de bateau négrillée. Pour un adolescent presque dépassé, avoir vécu en tant que arrière petit enfant d'esclave, sans savoir ce qui se passait, comment ça s'était passé dans les détails, ça a été pour moi quelque chose d'assez particulier, d'assez émouvant. Et par la suite, j'ai eu à rencontrer ce monsieur Fabre, qui fut mon enseignant en littérature afro-américaine, littérature et civilisation afro-américaine. Il me présenta des poètes, et ce fut là aussi un long cheminement vers la connaissance de la poésie. Donc nous n'avions pas parlé de ce livre-là, qui était important. Il y a bien d'autres livres de partout dans le monde qui furent importants pour moi, mais Cahier d'un retour au pays natal, que j'ai lu assez tôt, fut pour moi une vraie révélation. J'y voyais un grand marronnage. Et j'eus à le lire et le relire plusieurs fois, et je ne marche pas sans ce livre avec moi. C'est un livre qui, au niveau du vocabulaire, vous apprend énormément, parce qu'on est obligé d'aller chercher, d'aller puiser. Et il est très riche. Je ne pense pas pouvoir dire mieux que les spécialistes de ce livre, parce que des spécialistes, il y en a, et je pense qu'ils peuvent en parler avec beaucoup plus de justesse que moi-même. Mais il fait partie de ceux qui m'ont marqué. Mais nous devons, tu le sais ça, nous devons la découverte, en tout cas nous ici en France, hein, nous devons la découverte d'Aimé Césaire, particulièrement de ce texte et de bien d'autres, un poète français, pas des moindres, qui était André Breton. Quand on lit Césaire, le cahier bien entendu, mais d'autres poésies, on a là sous les yeux quelque chose qu'on pourrait quasiment qualifier de pré-surréaliste. Oui, oui, c'était le surréalisme naturel avant l'heure. Hein? Oui, bien sûr. Nous y trouvons aisément, je pense, cette relation avec la notion du conte libre que l'on peut trouver dans la Caraïbe, un conte à la limite du délire que l'on trouve souvent dans les rues chez certaines personnes que l'on dit pas bien, ou même dans les contes, dans les veillées, parce que ce sont il y a quelque chose de peut-être pas du merveilleux ni du sacré, mais ni de l'ésotérique, mais quelque chose, un parfum d'étoile. Un parfum d'étoile, dit-il. Oui, effectivement. Mais restons un instant un peu avec Aimé Césaire. On peut faire entendre quelques mots du poète. Tu veux les lire ou tu préfères que je le fasse? Vas-y. J'y vais. Ça sera très bref. Hein, ça, oh, oui. La négraille assise, inattendument debout, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre, debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement maritime girant en la dérive parfaite, et la voici, plus inattendument debout, debout dans les cordages, debout à la barre, debout la boussole, debout à la carte, debout sous les étoiles, debout et libre. Ça, c'était Aimé Césaire. Mais tu as choisi, évidemment, un autre passage. Nous t'écoutons. Trésor. Comptons. La folie qui se souvient. La folie qui hurle. La folie qui voit. la folie qui se déchaîne. Et vous savez le reste. Que 2 et 2 font 5. Que la forêt miaule. Que l'arbre tire les marrons du feu. Que le ciel se lisse la barbe, etc., etc. Qui et quels nous sommes ? Admirable question. Nous écoutons un peu de musique ? Volontiers. Et mais Césaire mérite au moins ça. Voilà, hein, alors en attendant que Tony se prépare, oui. Dire aussi cette dimension, on en parlera après la musique, de la dimension orale de cette littérature ou cette poésie, qui est peut-être plus faite pour être dite qu'être lue. Oui, qui trouve tout son sel quand on la dit. Hein. Quand on la lit, la lecture, c'est quelque chose qui arrase un petit peu le texte. Hein. La lecture silencieuse. Voilà, quand on l'a entendu, vous avez entendu Tony, voilà, là les mots résonnent vraiment. Et pas que les mots. Et pas que les mots. Balata, belle bois. Balata, yé balata. Balata, belle bois. Nèg marron, vivant balata. Balata, belle bois. Balata, balata, mama est là. Balata, belle bois. Si marron, vivant balata. Balata, belle bois. Belle bois, maogani. Balata, belle bois. Belle bois, mahogany, balata, belle bois, balata, balata, mama et la balata, belle bois, yeah, d'où la Paris, balata, belle bois. Vous êtes sur Radio Clapas 93.5. La musique, eh bien, c'est Tony Savada, en direct, si je puis dire. Enfin, en tout cas, en live dans le studio, comme on dit en bon français. Nous confirmons, il est là, bien là, il joue. Oui, voilà. Alors, moi, je pense que la poésie, ça se lit à haute voix, inévitablement. La poésie, inévitablement, se lit à haute voix. Je voudrais, Tony, avant de que tu ne te lances dans une autre lecture que nous sentons venir, je voudrais quand même que tu nous racontes comment, tout jeune, tu as eu accès aux livres. Parce que ça, tu nous en as parlé, et c'est quelque chose que je trouve absolument merveilleux. Non, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé lire. Oui, mais quels livres tu lisais et comment trouvais-tu ? Toutes sortes de livres, dès que ça tombait sous la main. Voilà. C'est pour ça que je trouve un parallèle que je me retrouve dans certains écrits de Chamoiseau, sur lesquels nous arrivons plus tard. On dirait une histoire parallèle, l'envie permanente de lire. Je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui a existé chez tous les enfants de mon âge, mais je sais que personnellement, j'avais toujours cette envie de lire. Et tu te procurais les livres comment ? Mon papa en apportait à la maison, il y avait toujours des petites librairies, comme c'est écrit un peu plus loin dans... où il y avait des échanges de livres, il y a toujours des livres chez d'autres, on se les passait. Et il y avait aussi une petite bibliothèque non loin de chez moi, très petite, mais dans laquelle on pouvait trouver toutes sortes de livres, des aventures, toutes sortes de livres. Quoi. C'était un peu ta malle au trésor, quoi. Ouais. C'était ça, hein ? Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment ça. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, j'ai voyagé. Tu nous fais entendre Aimé Césaire, je sens que tu... Ah, il y a un petit Aimé Césaire là. Ah oui. Allons-y. Sachez-le bien, je ne joue jamais si ce n'est à l'an mille. Je ne joue jamais si ce n'est à la grande peur. Accommodez-vous de moi. Je ne m'accommode pas de vous. Parfois, on me voit d'un grand geste du cerveau happer un nuage trop rouge. Ou une caresse de pluie, ou un prélude du vent. Ne vous tranquillisez pas outre mesure. je force la membrane vitelline qui me sépare de moi-même. Je force les grandes os qui me ceinturent de sang. C'est moi, rien que moi, qui arrête ma place sur le dernier train de la dernière vague du dernier ras de marée. C'est moi, rien que moi. Merci Tony. Alors voilà, on rappelle pour nos auditeurs, hein, un livre à lire et dire. Hein, et peut-être plus à dire qu'à lire. Hein. Cahier des retours au pays natal d'Aimé Césaire. Aux éditions Présence Africaine. Actuellement édité aux éditions Présence Africaine, absolument. Oui. Donc découvrez, faites découvrir, savourez les mots d'Aimé Césaire. Plein de révolte, mais plein de bruit de fureur, j'ai envie de dire. Tiens. Alors il y a aussi les pièces de théâtre. Hein. Les pièces de théâtre chez Césaire sont pièces maîtresses aussi. Voilà. D'ailleurs, chez Césaire, il n'y a pas eu d'acte mineur, au sens où on pourrait l'entendre vers le bas. Il y a des positions politiques qu'il avait fallu prendre à un moment précis, qui se sont trouvées être obsolètes par la suite, mais l'humain reste propenseur d'une de vos deux grandes qualités. C'était un homme engagé, de toute façon. Après, effectivement, bon, l'histoire a fait varier tout ça. Oui, il reste, à mes yeux, un des plus grands nègres qui ait pu exister sur l'île de la Martinique. Alors, nous, je vois que tu as entre les mains un livre de Patrick Chamoiseau, la Commune des Sept Misères. Oui, mais avant de passer à Patrick. Oui, avant de passer à Patrick. Alors, vas-y. Chamoiseau, il y a celui qui m'a énormément touché aussi par sa vérité, par ses actes, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon a une place majeure dans ma vie parce que Fanon a eu l'exacte attitude qu'il fallait à l'époque. Il a été quand même, ne l'oublions pas, interdit à la Martinique ses livres pendant très longtemps. Donc, le Martiniquais, le Guadeloupéen n'y avait pas accès. Cependant, on entendait des bruits de couloir qui venaient de n'ailleurs que des radios officielles, évidemment. Jusqu'à découvrir ses écrits et constater que ces mêmes écrits sont célébrés par les plus grands révolutionnaires que le monde a portés dans les terres des Amériques. Les Tupamaros, les Black Panthers. Un peu tout un chacun y a trouvé une vérité. La vérité, comme je disais, qui s'imposait à l'époque. Qui s'imposait à l'époque, effectivement. Alors, tu... Frantz Fanon, quelle était la formation initiale de Frantz Fanon ? Frantz Fanon, c'est d'abord un adolescent qui a vécu sur l'île de la Martinique jusqu'à ce qu'il décide de partir pour participer à l'arrêt de l'avancée des nazis. Donc, il est parti de façon illégale de la Martinique, puisqu'il y avait un blocus par Pétain. De là, il est passé à la Dominique. Ce sont ces gens-là que l'on appelle les dissidents. Pour ensuite prendre un bateau pour l'Angleterre via généralement les États-Unis, où là, on commençait à ce moment-là à séparer les soldats noirs, des soldats dits noirs, des soldats dits blancs. Oui, Frantz Fanon, tu sais, bon, tu le sais très certainement, mais nos auditeurs peut-être pas, ou peut-être l'ont-ils oublié. Frantz Fanon a une époque en France qui n'est pas si lointaine. Je pense, tout ce qui s'est passé autour de 68 et les années qui ont suivi. Frantz Fanon a été beaucoup lu par la jeunesse, hein, et a été une référence pour, je vais dire ça comme ça, peut-être un peu vite, pour les mouvements, les différentes instances du mouvement révolutionnaire. Frantz Fanon était une des figures majeures de l'anticolonialisme en France. Le principal vecteur de ces textes ici, ça a été Sartre, qui a fait une belle préface. Je crois que c'est la préface de Peau noire à masque blanc. Hein. Donc, non, des damnés de la terre. Des damnés de la terre. C'est de l'année, fait, des damnés de la terre. Tu as raison, préface, c'est exact. Je me trompe effectivement. Des damnés de la terre qui a été édité en 61, qui est le dernier texte édité du vivant Frantz Fanon. Alors, pour revenir un peu à. Oui, c'est les à l'histoire de Fanon, oui. Il fait des études en psychiatrie, voilà. Et devient psychiatre pendant la guerre d'Algérie à Blida. C'est là qu'il a pu revoir la conception ou le concept de psychiatrie en général pour parler d'ethnopsychiatrie, de voir les choses autrement. Voire même la psychiatrie du colonisé. Normalement français, il devrait se trouver dans le camp des Français, mais a constaté que ce n'est pas possible. En fonction de son vécu, de qui il est, de la justesse d'une revendication d'indépendance, il fallait qu'il se trouve du côté des indépendantistes et entrer dans les rangs du FLN. Lequel il a eu une place assez importante qui lui permettait de rencontrer des chefs d'État d'autres pays et de concevoir et agir en fonction de tout ce que l'on peut trouver dans les damnés de la terre. En quoi ces textes, puisque tu as souhaité que nous les évoquions, en quoi ont-ils nourri ta réflexion et y a-t-il toujours, selon toi, une actualité des textes, des propos de Frantz Fanon ? Je viens du même état d'esprit que celui que Frantz Fanon analyse, le colonisé. C'est art, principalement c'est art. C'est ce qu'il a acquis à travers une vie autre que la vie de n'importe quel autre humain. L'esclavage, un lavage de cerveau qui lui a fait renier pas mal de choses qu'il faut réacquérir. Un travail de libération qui a été insuffisant pendant 1848, en 1848. Un vrai travail de libération, de décolonisation. Des esprits y compris. Évidemment. Voilà. Donc, c'est un travail que je trouvais être complet. Il n'abordait pas simplement le point économique, mais il abordait un point que beaucoup d'autres nous ont abordé, qui est la violence nécessaire pour que le colonisé soit vraiment libéré. Il dit de façon très claire, évidemment, c'est à prendre et selon Libor, il y aura différentes interprétations. Tant que le colonisé ne tue pas un gendarme, il ne sera pas libre. Métaphore, tout ce que vous voudrez, mais c'est que la colonisation, l'esprit d'imposer une mentalité soumise à un comportement et un état d'esprit colonial est inhumain. Et que ce n'est pas inhumain simplement pour une population de telle ou telle, mais que ça rejoint tout à fait la lutte des classes du monde entier. Et c'était effectivement une métaphore qui avait un sens, il me semble-t-il, assez limpide. Il s'agissait de répondre à la violence d'État. Donc, et c'est ce qui a fait, entre autres aussi, de ces textes-là, des supports pour la réflexion, nous le disions tout à l'heure, des mouvements révolutionnaires de la jeunesse en 68, les années qui ont suivi. Peut-être deux mots Simplement, on sait aujourd'hui que dans la première phase de la lutte nationale, le colonialisme essaie de désamorcer la revendication nationale en faisant de l'économisme. Dès les premières revendications, le colonialisme feint la compréhension en reconnaissant avec une humilité ostentatoire que les territoires souffrent d'un sous-développement grave qui nécessite un effort économique et social important. Cette humilité ostentatoire, comment vous dire ça ? J'ai eu la faiblesse d'imaginer qu'elle était peut-être toujours d'actualité. Quand je t'entends lire ces propos de Frantz Fanon... C'était dans les damnés de la Terre, hein, pardon. Je me dis, je retrouve ces propos chez des philosophes critiques aujourd'hui, philosophes ou sociologues. Je pense par exemple à certains chercheurs de ce qu'on appelle le MOS, le mouvement antitutélariste pour les sciences sociales. Et on est encore sur les mêmes... l'analyse qui est posée là, les hypothèses qu'ils ont posées là, restent valables même si elles n'ont plus le vent en poupe. Peut-être un petit peu de musique Pour montrer que Fanon touche à beaucoup de domaines, il écrit « Le colonisé réussit également, par l'intermédiaire de la religion, à ne pas tenir compte du colon. Par le fatalisme, toute initiative est enlevée à l'oppresseur. La cause des maux, de la misère, du destin, revenant à Dieu, l'individu accepte ainsi la dissolution décidée par Dieu, s'aplatit devant le colon et devant le sort, et par une sorte de rééquilibration intérieure, accède à une sérénité de pierre. Entre-temps, cependant, la vie continue. Et c'est à travers les mythes terrifiants si prolifiques dans les sociétés sous-développées que le colonisé va puiser des inhibitions à son agressivité. Génies malfaisants qui interviennent chaque fois que l'on bouge de travers, hommes léopards, hommes serpents, chiens à six pattes, zombies, toute une gamme inépuisable d'animalcules ou de géants dispose autour du colonisé un monde de prohibitions, de barrages, d'inhibitions, beaucoup plus terrifiant que le monde colonialiste. Frantz Fanon, en musique. Voilà, donc Tony rejoint son tambour. They tell me I'm not African. They tell me I've no right. They tell me I'm not African. They tell me I've no right to call myself African. They tell me I have no tribal mark. I cannot speak Amharic. They even tell me that I'm lighter than my African brother. They tell me I'm not African. They tell me I have no right to call myself African. They They tell me I have no tribal marks. I cannot speak Amharic. I'm lighter than my African brother, and above all, they tell me I'm from the Caribbean. I got only one thing to say to them. You can take me out of Africa, but you will never be able to take Africa out of me. You will be able to take me out of Africa, but you will never be able to take Africa out of me. Ils vous disent que vous n'êtes pas africain. Ils vous disent que vous n'avez pas de marque tribale, que vous ne parlez pas l'amharique, que vous êtes plus clair que votre frère africain. Tant de choses, tant de dire, mais le monde est africain. Nous sommes tous africains. Ne pas sauver l'Afrique, c'est ne pas se sauver soi-même. Tous autant que nous sommes. Ça aussi, c'est lié à Fanon. They tell me I'm not African. They tell me I have no right to call myself African. They tell me I have no tribal marks. I cannot speak Amharic. I'm lighter than my African brother. So many things they told I to make I believe that me and my brother, we are not one. But we got only one thing to say to them. You can take us out of Africa, but you will never be able to take Africa out of us. Tony Savona sur Radio Clapas 93.5. Alors, bah oui, on peut emmener les êtres humains hors de l'Afrique, mais on ne peut pas enlever l'Afrique des êtres humains. Et si on élargit le propos, nous retrouvons là aussi, et je dirais d'une certaine façon malheureusement, une actualité tout à fait brûlante dans nos pays. Alors, Tony, donc, est-ce que nous disons quelques mots de M. Chamoiseau ? Non, alors, tu préfères oui. Non, comme tu veux. Alors, avant Chamoiseau, il y avait quand même un. Alors, c'est Alex Ellé. On ne va pas s'étendre sur lui. Roots. Avant Chamoiseau. Oui, une petite anecdote concernant Roots. Allons-y. Donc, juste pour préciser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Roots, qui a été un best-seller aux États-Unis, qui est sorti en 76, que je crois qu'il avait même été donné lieu à une adaptation pour la télévision en plusieurs épisodes, voilà. Et qui raconte l'histoire d'un citoyen américain noir, mais qui va rechercher ses racines du côté de la Gambie, ses origines. Alors oui, c'est très intéressant, et parce que, en fait, à la télévision, il n'y avait pas d'histoire noire. Il n'y avait pas de film sur les Noirs, et la Rue Casnègre du Zan Palsy a été saluée avec allégresse chez nous. Parce que, comme dans tout pays colonisé, la télévision, c'était la télévision d'ici, et ça l'est toujours. Sauf qu'il y a quelques télévisions libres. Heureusement, mais il n'y avait pas de film avec des acteurs noirs en majorité. Mmh. On pouvait avoir un petit Sidney Poitier, un petit truc. Oui, je pensais à Sidney Poitier, bon. Effectivement. Oui. Mais arrivé à Fonté avec. Mais il y avait toujours ces mêmes rôles. Et quand Alex Ailé, le film de ses écrits est sorti. C'était ce qu'il fallait voir. Donc c'était une série tous les lundis soir. Et je me souviens que j'étais en un lieu où il faisait froid et je n'ai pas de télé. Et on allait en bande chez un seul copain qui avait la télé tous les lundis. Et on regardait cette série qu'il ne fallait pas manquer du tout. C'était bien pour nous, on en avait besoin. On n'en sortait pas toujours heureux, bien sûr. Oui, c'était des mélanges de rage et de douleur. Mais c'était un film et c'était des écrits qui étaient nécessaires. Ce sont des écrits basés sur de longues recherches. S'il n'y a pas de fiction. D'ailleurs, je crois que le titre, c'est « Autobiographie », me semble. Non. Là, je ne vois pas de sous-titre, la version originale. Non, il y a juste « Roots », c'est pas précisé. Par contre, dans la dédicace, il dit, oui, 12 années de recherche avant d'écrire le livre. Hein. Donc, c'est pas juste un roman ordinaire, on va dire. Voilà, et puis c'est aussi un exemple pour un peu tout un chacun. La quête de d'où nous sommes, d'où nous venons. C'est dans la Caraïbe quelque chose de difficile. Nous savons qu'il existe des archives dans des ports négriers, évidemment. La séparation des esclaves, leur provenance, leur mélange, demande un gros travail d'investigation. Alors, il y en a qui spontanément ont trouvé leurs racines, mais je crois qu'il y a un biais très intéressant, c'est le biais de la musique. Grâce à cela, pouvoir reconnaître certaines choses ou se faire reconnaître ou certains rythmes, certains chants, certains mots qui passent dans les chants, dans la langue. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et le travail à faire est encore très grand. Voilà, c'est pour ça qu'Alex Ailé était très important. Parce que lui aussi, ça faisait partie du domaine de la révélation de sa propre histoire, de celle de ses ancêtres, en une terre et ne jamais avoir visualisé vraiment les châtiments, les crimes, les manières de faire, quelque chose qui était dans l'imaginaire et entrer dans un autre imaginaire un peu plus proche. Voilà, donc c'était ça aussi, ça fait partie d'une forme de lavage, de nettoyage, et c'est en ce sens qu'Alex Ailé, tout comme Michel Fabre, alors, on va dire, on t'a grandi ma vision du monde, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Alors justement, quand tu en parlais, je repensais justement à Michel Fabre, là, tout à l'heure, parce que tu parlais de cette coupe de bateaux négriers, hein, et Alex Ailé, certains passages de Roots se passent. Oui. À bord de ces bateaux. À bord de ces bateaux. Ça a commencé avec la Genèse. Toute la souffrance qui peut y avoir et... Donc, c'est effectivement, ça. L'universitaire et le romancier sont venus mettre à jour la même chose. Oui. En parlant d'universitaire, je salue bien bas ce monsieur Michel Fabre, ainsi que son épouse, qui sont deux universitaires de haut vol, qui ont permis au monde français de s'intéresser, qui ont permis à ce monde de s'intéresser à la culture afro-américaine, notamment dans le monde de la littérature, de prendre conscience de la présence des Afro-Américains à une certaine période à Paris, comment elle a été forte, comment elle a été importante, et comment elle a apporté des éléments à la littérature qu'en échange, grâce à certaines éditions, ces mêmes Afro-Américains ont pu accéder à une certaine notoriété. Alors je veux parler de... C'est les écrivains qu'on a rassemblés. Ed Cercueil, comment il s'appelle? Voilà, William Irish. Non, pardon. Chester Himes. Richard Wright. Richard Wright. Toute la période qui a marqué quand même Césaire, c'est-à-dire. Leroy Jones est venu après. Ce qu'on a appelé la Harlem Renaissance. Voilà. Hein? Ce sont ces gens-là qui ont marqué aussi beaucoup de nos penseurs, écrivains et concepteurs de la négritude que sont Damas, hein, il faut le saluer bien bas, autre Césaire et Senghor, ce sont les gens du Harlem Renaissance, de cette période de début du XXe siècle qui a touché la littérature afro-américaine. La littérature et les arts. Et la littérature, c'est la musique. La musique. Oui, bien sûr. Beaucoup d'influences sur la musique. Nous sommes dans le domaine littéraire. Et des influences réciproques, du reste. Oui. Juste quand même une parenthèse, parce que là, nous avons cité plusieurs livres un peu rapidement. N'oublions pas que nous avons des auditeurs et que notre souhait le plus cher, c'est qu'ils puissent accéder à ces livres et qu'ils les lisent. Absolument. Alors, absolument. On a parlé de Richard Wright. Hein, lisez. Wright, son grand classique est Black Boy. Voilà, tout à fait. C'est en folio, ça. On le trouve en folio. On le trouve en folio. Oui, oui. Voilà. Donc, et quelques autres donc, titres. Donc, nous l'avons. Quels sont les autres titres que nous avons cités et qui sont tout à fait accessibles, je crois? Alors, Richard Wright, c'est là-dessus qu'a fait sa thèse M. Michel Fabre. D'accord. Et... Alors, Michel Fabre, pardon. On peut aller donc sur Internet, on va trouver quelque chose. Parce que oui, là aussi, tout pense, ce que tu oui, nous en dis oui. est suffisamment intéressant pour oui, que nous puissions y aller voir. Voilà. Voilà. Chester Himes est aussi un éditeur qui est... Alors, il est en poche noire. Folio policier, je oui, crois. Chester la collection. Oui. Donc, il y a plusieurs titres que l'on trouve, hein, avec plusieurs séries, Ed Cercueil et d'autres séries. Et en plus, pardon, mais ce sont des polars, mais j'en ai eu quelques-uns de Chester Himes. Effectivement, il y a toute cette dimension sociale que l'on évoque là depuis tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qu'il faut mentionner, qui est beaucoup à la lecture, qui la rend très plaisante, c'est qu'il y a un humour chez Chester Himes qui est vraiment décapant. Ah oui, puis même dans les situations les plus désespérées, absolument, il ne absolument. Perd pas son humour. Absolument. Voilà, tout à fait. Alors, il y a un grand poète noir, je ne sais pas s'il y a beaucoup de traductions en français. Il y a Claude Mackay. Peur que non. C'est Langston Hughes. Il y a Langston Hughes. Mais bon, là, je crois qu'il faudra aller voir les versions ça. Originales. Parce que... Alors, Leroy Jones. Qui est la génération un peu après. Là, moi, j'ai une ancienne édition chez Buchet-Chastel, de son théâtre. Faut chercher... vous savez, avec Internet, maintenant, on peut trouver des livres d'occasion. Donc, cherchez dans des occasions, vous trouverez sans doute des choses. Ce sont des pistes hein, que nous vous indiquons. Voilà. Alors, ce sont aussi des classiques, ceux-ci. Parce qu'il y a, il ne faut pas l'oublier, toute chaque génération apporte quelque chose. Et donc, il y a toutes les générations suivantes. Nous avons parlé d'une génération du Harlem Renaissance et son prolongement. Nous n'avons pas parlé des nouveaux poètes à partir de cette époque et tout ça, parce que là n'était pas le sujet. Mais c'était justement en relation avec la littérature, l'influence sur des gens comme Césaire, Damas, de cet état d'esprit du Harlem Renaissance, de ce Harlem Renaissance qui puisait dans l'Afrique, cette Afrique que l'on a revue avec Alex Ellé. Et maintenant, il s'agit donc de Chamoiseau. Voilà. Après, juste une parenthèse, je dis, on pourra peut-être faire une autre émission consacrée à ce mouvement littéraire Harlem Renaissance, pour parler plus spécifiquement du mouvement de Chester Himes, de Langston Hughes et de quelques autres. Mais que nos auditeurs ne s'inquiètent pas, ce n'est pas, comme on le dit, tomber dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Hein. Patrick Chamoiseau, alors tu as souhaité que nous évoquions ensemble un livre particulier de Patrick Chamoiseau qui est Chronique des Sept Misères. Alors, précisons aussi que ce livre est accompagné, ou précédé plus exactement, d'une préface d'un autre écrivain tout à fait recommandable, c'est Édouard Glissant. Hein, voilà. Alors, rapidement, en deux, trois mots, Patrick Chamoiseau, qu'est-ce que tu peux... Il nous reste malheureusement peu de temps, et puis on aimerait pouvoir finir en musique. Qu'est-ce que tu nous dis très vite, excuse-nous, hein, de cette précipitation, Anthony? Alors, évidemment, on ne peut pas parler de Chamoiseau si on ne parle pas, bien avant, de l'Édouard Glissant. Alors, nous avons Édouard Glissant, c'est un écrivain. Il faudra aller chercher, Prix Renaudot, Édouard Glissant, une écriture particulièrement caribéenne, il dirait de nos jours tout le monde. Et nous atterrissons avec un Chamoiseau qui, je me reconnais directement dans ses livres. C'est-à-dire que j'y vois mon enfance, j'y vois la manière de parler des gens, la manière de décrire les choses. Dans ce livre, Chronique de cette misère, on ne fait que rire, malgré le drame qui est inscrit là-dedans et qui couronne en même temps le livre. C'est un livre, on rit tout le temps, enfin en ce qui me concerne. Et moi... Je voudrais surtout avoir votre avis sur la manière dont ont été écrites les phrases. Et... Parce que moi, je sais que je les lis en tant que Caribéen, en tant que personne parlant le créole, en tant que personne ayant vécu les choses, donc ayant les images directement en pleine face. Mais je ne sais pas ce que ça rend de l'autre côté, c'est-à-dire de votre côté qui... Voilà. Alors, toi qui as lu certaines parties, comment déjà as-tu abordé... En fait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... C'est venu de source, comme ça, tu as lu directement, c'était tout à fait normal, ou bien tu as dû buter sur des choses qui... Alors, je vais te répondre très vite, parce que, comme je le disais, malheureusement, l'heure arrive... très rapidement à sa fin. Oui, bien entendu, je crois que nous, enfin, je me permets d'employer le « nous », pas « nous » de majesté, mais simplement « nous » de collectif. Hein. Je crois qu'on ne lit pas Chamoiseau et ce texte-là en particulier, comme tu as pu le lire, parce que les évocations qui sont les tiennes ne peuvent pas nécessairement être les nôtres. Moi, je l'ai lu comme... comment te dire ? D'abord, oui, je confirme, on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup. Il y a des situations qui sont tout à fait... Alors, il y a un terme qui revient de temps en temps, je vais l'utiliser, qui sont piquantes, presque au sens du piment, hein, qui est consommé. Voilà, il y a ça. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est la construction de ce livre. C'est que les récits que Chamoiseau nous donne sont régulièrement entrecoupés d'évocations d'autres auteurs. Et ces autres auteurs, pour un lecteur habitué, un lecteur européen, habitué donc à les lire, ce sont autant de points de repère. Voilà. Je vais être très très bref. Simplement, si tu peux, en 30 secondes, mais alors pas 32, 30, si tu peux nous dire ce que c'est qu'un jobber. Un jobber, c'est quelqu'un qui, bien avant la période des années 60 à peu près, puisque le livre se passe dans les environs. Le livre est très profond parce qu'il parle de l'arrivée de la société de consommation qui s'est débarrassée petit à petit de ce qu'on appelle les jobbers. Les jobbers, ce sont ceux qui déchargeaient les marchandises des gens qui venaient de la campagne au marché et s'en chargeaient avec leur charrette en sillonnant entre voitures, sur le trottoir. Alors il y a plein d'olympes, terre d'olympes, tada, attention, oui, boum. Il chaud. Voilà, c'est ça, les jobbers. Mais c'est très intéressant, nous n'avons pas le temps de lire quelques extraits, mais je pense que ça nécessite un petit morceau d'émission, parce que c'est une écriture, à mon avis, qui est nouvelle dans le paysage. Je ne sais pas ce que tu peux en dire rapidement, oui ou non. Écoute, pour cette suggestion que tu nous fais, bien entendu... En ce qui concerne l'écriture, bien entendu, nouvelle, pas nouvelle, oui, bien, tu le sens. Oui, je le sens comme ça, je le sens comme quelque chose qui est d'une modernité qui est toujours, elle aussi, d'actualité. Et maintenant, nous allons clore notre émission Avec quelques notes de musique, c'est Tony qui retournait à ses instruments. Se clôt notre émission spéciale. Nous avons dit que nous souhaitions faire à notre manière un cadeau pour ces fêtes qui s'annoncent à nos auditeurs et nos auditrices. Eh bien, voilà, c'était en compagnie de Tony Savana que nous avons pu mener cette émission, je crois, à bien. Et n'oubliez pas que Tony Savana a un site internet. Tu nous le dis très rapidement. Alors, j'ai un groupe, nous sommes un, il s'appelle Savana Music Trio, plus un. S-A-V-A-2-N-A-H, Music, M-U-J-I-K, et vous pouvez aller trouver sur YouTube. Vous tapez aussi Tony Savana et vous tomberez dessus. Savana Music Trio. Voilà, c'était Savana Littérature aujourd'hui et Savana Musique. Mais écoute, Tony, chiche de remettre ça avec Harlem en essence ou d'autres choses à ton goût. Yeah. Partant, alors ce sera pour une prochaine fois. Bonne fête à nos auditeurs et surtout bonne lecture. À très bientôt. Et merci.